À peine Gabriel Ardalionitch avait-il prononcé sa dernière parole que la porte violemment secouée s'ouvrit à deux battants. Le vieux général en retraite, Ardalion Ivolgin, s'élança dans la pièce. Il fut suivi de Nina Alexandrovna, sa femme, de Kolia, son fils cadet, et d'un certain Hippolyte, jeune homme gravement touché par la phtisie, et que Ptitsin, le mari de Varvara Ardalionovna, avait recueilli chez lui. Le général Ivolgin était rouge de colère et profondément ému. Il regarda fixement sa fille Varvara, puis son fils, Gabriel Ardalionitch, hésita un moment, et enfin se dirigea vers Ptitsin, qui à son tour avait pénétré dans la chambre par une porte dérobée. Monsieur Ptitsin, puisque vous avez décidé de sacrifier un blanc-bec à un vieillard honorable, votre père, c'est-à-dire le père de votre femme, je m'en vais. Je m'en vais sur le champ. Et je vous laisse tout, jusqu'à mon dernier gilet. Vous avez 2 minutes pour réfléchir et faire votre choix entre moi et cette vis d'Hippolyte. Une vis? Oui, une vis. Je l'ai dit par hasard, monsieur Ptitsin, mais c'en est une. Il s'enfonce dans mon âme comme une vis. Et pourquoi pas comme un tire-bouchon, général? Non, blanc-bec, pas comme un tire-bouchon. Car je suis un général et non une bouteille. J'ai des blessures et des décorations. Et toi, qu'est-ce que tu as? Rien. Monsieur Ptitsin, choisissez entre lui et moi. Et tout de suite. Kolia, le fils cadet du général, avança une chaise à son père. Ce dernier, après l'avoir attentivement examiné, Dieu sait pourquoi, s'y laissa choir et croisa les bras sur sa poitrine grasse. Qu'y a-t-il d'arrivé, général? Pourquoi vous mettez-vous dans des états pareils? Vous feriez mieux d'aller vous reposer un peu. Me reposer? Me coucher, peut-être? C'est cela, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas ivre. Vous m'insultez, monsieur Ptitsin. Je veux quitter cette maison, vous dis-je. Pourquoi voulez-vous vous en aller, général? À cause de moi? Mais je ne vous ai rien fait. En vérité, c'est vous qui m'offensez. Ha! Mon petit Hippolyte, vous n'avez rien fait. Vous devriez avoir honte. Il est inhumain de torturer un vieillard. Et plus encore dans la situation où vous vous trouvez. Tout d'abord, Nina Alexandrovna, que signifie la situation dans laquelle je me trouve? J'ai une grande estime pour vous personnellement, mais je n'accepterai pas vos remarques désobligeantes. Il veut me convertir à l'athéisme. Il oublie qu'il n'était pas encore né, que je t'ai déjà comblé d'honneur. Qu'avais-tu besoin de le faire venir ici, Gagna? Je suis sot de te le demander. Tu es comme lui, l'ambition et l'envie t'étouffent. Non, voilà assez, père, nous ne sommes pas au théâtre, hein. Voyez mieux de ne pas me couvrir de honte en racontant partout qu'après Nastassia Philippovna, je cherche à attirer dans mes filets Aglaï Ivanovna. Comment? Moi? Te couvrir de honte, petit morveux? Mais je ne puis que te faire honneur, moi. Quant à Aglaï Ivanovna, cette jeune fille pure et noble, eh bien, c'est une autre histoire. Une autre histoire, père, ah oui. Mais il me suffirait d'ouvrir la bouche pour que vous apparaissiez sous votre vrai jour. Cependant, je ne dirai rien. Je ne dirai rien à cause de maman. Mais je ne te crains pas. Dis ce que tu as à dire, fils dénaturé, et je te maudirai. Oh, votre malédiction m'indiffère, je crache sur elle. Avouez que vous vous conduisez comme un fou depuis 8 jours, et pour cause. Prenez garde, ne me poussez pas à bout. Autrement, je crierai la vérité à la face du monde, oui. Avoir pour père un ivrogne, un menteur. Oh, tais-toi, Gagna. Tais-toi, imbécile. Tu ne vois pas que papa souffre? Commences-tu le traiter de la sorte? Mais qu'aviez-vous besoin de vous traîner chez les Yepanchin, père? Et qu'aviez-vous à leur parler de moi? Vous leur en avez dit des choses, hein? Toutes plus dégoûtantes les unes que les autres. Maman, Varvara, Ptitsin, je vous prends tous à témoin. Peut-on l'appeler un vieillard respectable, un père de famille? Ça suffit, Gagna. Écarte-toi de papa et fiche-lui la paix. Sans lui, tu ne serais pas née. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, Varvara? Penses-tu que je me réjouisse d'être au monde? Peut-être pas, mais tais-toi quand même. Sinon, je me verrai obligée. Voyons, Gagna. Je suis ton ami, ton seul ami. Tu peux bien me faire plaisir, non? Que veux-tu de moi? Rien. Seulement que tu te taises. Ah, comme je vois, vous êtes tous ligués contre moi. Alors je me tais, mais je n'en pense pas moins. Ouf! Enfin, vous vous décidez à vous taire, Gabriel Ardalionitch. Dieu soit loué. Je pourrai donc m'expliquer avec le général, votre père. Ah non, Hippolyte. Vous n'allez pas prendre la place de Gagne. Je ne prends jamais la place d'un autre, Varvara Ardalionovna. Mais je ne cède pas la mienne non plus. Souffrez donc que je demande à votre père pourquoi il m'appelle une vis. Est-ce parce qu'il est venu tout à l'heure m'entretenir d'un certain capitaine Yeropegov et que je lui ai répondu que ce capitaine Yeropegov n'existait que dans son imagination? Que dis-tu là, blanc-bec? Le capitaine Yeropegov n'existe que dans mon imagination? Oui. Alors, selon toi, je l'ai inventé de toutes pièces. Mais vous l'avez inventé, père, c'est sûr, comme deux et deux font quatre. Le général Ivolgin demeura un moment silencieux. La franchise brutale de son fils l'avait frappé de stupeur. Il ne trouvait pas de mots pour exprimer son indignation. Ha ha ha! Mais lorsqu'Hippolyte partit d'un éclat de rire, il bafouilla complètement dérouté. Comment Dimitri Yeropegov, pas capitaine? Mais Dimitri Yeropegov, lieutenant-colonel en retraite! Dimitri Yeropegov! Le capitaine ou lieutenant-colonel Dimitri Yeropegov n'a jamais existé! Et pourquoi n'a-t-il jamais existé, s'il te plaît? Parce que c'est comme ça, point c'est tout! Et c'est mon fils, mon propre fils que je nourris, que j'ai élevé, que j'ai... qui prétend que Stepan Yeropegov n'a jamais existé. Tiens, il a changé de prénom maintenant. De là à ce qu'il change également de nom de famille et d'officier se transforme en marchand ou même en cordonnier. Cette fois, la coupe est pleine. Que ma malédiction retombe sur toi, fils dénaturé. J'ai dit, et maintenant j'abandonne cette maison. Kolia, prends mon sac, je m'en vais. Attends. Oh, qu'as-tu fait encore, Gagna? Je suis persuadée qu'il s'en ira pour de bon. Et qu'il racontera à tout le monde que nous l'avons chassé de la maison. Et qu'il raconte ce qu'il veut, le mal est déjà fait. Quant à vous, monsieur, vous devriez vous rappeler que vous n'êtes pas chez vous ici. Et que vous profitez de notre hospitalité. Pourquoi avez-vous cherché à blesser un vieillard qui, selon toute évidence, a perdu la raison? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Votre père n'a pas perdu la raison. Au contraire, je crois qu'il l'a pleinement retrouvée. Il est devenu prudent. Il pèse chaque mot. En me contant cette histoire invraisemblable du capitaine Yeropegov, qui n'existe pas, il comptait sur moi pour... Bref, figurez-vous qu'il a voulu m'emmener chez les Yepanchi. Non, ça suffit, monsieur, je vous prie de ne pas financer avec moi. Si vous connaissez la vraie cause de l'état de surexcitation de mon père, vous devriez vous montrer compréhensif à son endroit, et surtout vous taire. Au lieu de cela, que faites-vous? Vous irritez le malheureux, et vous torturez ma mère en exagérant l'affaire de la disparition des 400 roubles. Cependant, vous savez parfaitement que tout cela ne tient pas debout. Ce ne sont là que des propos d'ivrogne. Mais vous ressentez le besoin d'espionner, de calomnier, de faire du mal. Car vous êtes... Une vie, ce cher Gabriel Ardalionitch, n'est-ce pas? Vous êtes une canaille, monsieur! Oui, vous l'êtes vraiment. Vous avez fait croire aux gens que vous alliez vous suicider. Et vous avez théâtralement sorti de votre poche un pistolet. Or, votre pistolet n'était pas chargé. Permettez! J'ai sincèrement voulu mettre fin à mes jours. Oh, je vous ai recueilli chez moi. Vous avez grossi. Vous ne toussez plus. Et voilà comment vous me remerciez. Permettez, estimé Gabriel Ardalionitch, deux mots seulement. Je suis ici chez Varvara Ardalionovna, votre sœur, et non chez vous. Je crois que vous-même, vous profitez des largesses de Varvara Ardalionovna et de son époux Ptitsine. Cela ne me regarde pas, c'est entendu. Je le dis en passant. Quant à moi, eh bien, je déménage aujourd'hui même. Voilà. Oh, si c'est ainsi. Si c'est ainsi. Comme je vois, vous avez quelques difficultés à vous exprimer, mais j'ai tout mon temps. J'attendrai que vous retrouviez votre langue. Croyez-vous que je vais m'abaisser à poursuivre cette discussion stupide? Eh bien, vous vous trompez. Je m'arrête là. Vous avez tort, Gabriel Ardalionitch, de le prendre ainsi. En ce qui me concerne, je me suis promis le jour même de mon installation chez votre sœur de vous dire au moment de nous séparer ce que je pense de vous. Et j'ai l'intention de le faire maintenant. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Pierre Noël, Gabriel Ardalionitch, Jean-Pierre Lorrain, Kolia, Roger Monteau, le général Ivolgin, René Ferral, Hippolyte, Jean Lemaître, Ptitsine, Noël Bernard, Nina Alexandrovna, Paul Ramaroni, Varvara Ardalionovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.